enfin, c'est une prise de tête d'un autre monde. D'un autre monde. Menabet ad magistri, vocem quisque sui felicitatus. Attends, c'est quoi le Space Mountain? Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Mountain pour ce 12e épisode qui sera consacré au chapitre L'art, qui se trouve dans l'anti-manuel de philosophie de Michel Onfray. Et puisque nous allons parler d'art, j'ai un invité exceptionnel, il s'agit du Domineur. Bienvenue. Mais c'est moi, merci beaucoup. Alors, sujet du jour. Qu'est-ce que la pop? Qui sont ces salauds d'élitistes? Êtes-vous snob? Êtes-vous vulgaire? Répondons à toutes ces questions avec tout de suite un premier extrait. Faut-il toujours un décodeur pour comprendre une œuvre d'art? Oui, tout le temps. Bon, alors on l'a dit, c'est du Onfray, hein, donc bon, c'est pas spécialement dans la subtilité, à peine la question posée que, oui, c'est comme ça. Bref, poursuivons. C'est une erreur d'imaginer possible l'abord d'une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, les mains dans les poches, en toute innocence, naïvement. On ne comprend pas un chinois qui nous adresse la parole si l'on ne maîtrise pas sa langue. Or, l'art procède à la manière d'un langage avec sa grammaire, sa syntaxe, ses conventions, ses styles, ses classiques. Quiconque ignore la langue dans laquelle est écrite une œuvre d'art s'interdit pour toujours d'en comprendre la signification, donc la portée. En conséquence, tout jugement esthétique devient impossible, impensable, si l'on ignore les conditions d'existence et d'émergence d'une œuvre d'art. Alors, il y a une chose qu'il faut distinguer, afin de la mettre immédiatement de côté, c'est la biologie. Nous allons parler de goût, d'intérêt et d'appréciation. Donc, il ne faut pas se tromper de sujet, et confondre l'effet des nécessités du corps avec l'attrait des sens. Si je mange uniquement parce que j'ai faim, on a quitté le sujet. Si mon cœur s'accélère à cause d'un rythme endiablé, pareil. Si je ferme les yeux, c'est parce que la lumière est trop forte, c'est pas parce que j'aime pas le dernier spectacle du soleil. Précision liminaire terminée, passons au sujet. Onfray nous dit qu'il est nécessaire de décoder une œuvre pour l'apprécier, comme on décode une langue pour la comprendre. Sans connaître son langage, on est incapable de la décoder, et donc de l'apprécier. Là, généralement, on peut se trouver opposé l'argument du « Ouais, c'est con ce que tu dis, moi j'aime bien la pop et pourtant personne ne me l'a décodé, j'ai pas été initié. » Alors que si, nous y avons été initiés par une méthode simple, mais qui a fait ses preuves, le bourrage de crâne. Si personne ne nous a effectivement expliqué en quoi la pop c'est bien, nous y avons tant été soumis passivement qu'elle a fini par devenir agréable à nos oreilles, sans même qu'on s'en aperçoive. Et c'est lorsque nous serons soumis à autre chose, par exemple de la musique dodécaphonique, qu'on ne pourra pas s'empêcher de se boucher les oreilles en hurlant, car nous étions tant habitués à la pop que ce truc nous échappe totalement. Tout un tas de styles musicaux, avant d'être appréhendés, peuvent être résumés par un simple mot. Bruit. Quand on connaît pas la cadence, les formules, les mélanges, bref, tout ce qui structure un courant musical, tout ne ressemble qu'à du bruit. Les spectateurs ou les critiques se contentent souvent de projeter leurs obsessions sur les œuvres examinées. Ne voyant pas ce que les artistes veulent signifier, les commentateurs leur prêtent des intentions qu'ils n'avaient pas. L'histoire des interprétations de Lascaux laisse indemne le sens même de l'œuvre, vraisemblablement destinée à rester ignorée, puisque ses conditions de production demeureront inconnues et qu'on ne disposera jamais d'une grille de lecture digne de ce nom. La méconnaissance du contexte d'une œuvre contraint à l'ignorance même de son sens. Plus on sait sur ses alentours, mieux on comprend son cœur. Moins on en sait, plus on se condamne à rester à la périphérie. Onfray approfondit là son idée précédente en y rajoutant l'intention de l'artiste. Il n'y a plus seulement le message, donc l'œuvre, ou le récepteur, c'est-à-dire vous, moi, hein, la personne qui reçoit l'œuvre, mais également l'émetteur, celui qui la conçoit. Et entre le récepteur et l'émetteur peut se créer un gap, une insuffisance. C'est celle de l'interprétation. L'interprétation d'une œuvre, selon Onfray, nécessite donc d'avoir des connaissances sur son langage, comme il nous le disait au début, mais en plus d'avoir connaissance du temps et de l'espace dans lequel elle fut conçue. C'est ce qu'il nomme la méconnaissance du contexte, et qui, selon lui, est un manque à juger, un trou dans la grille de lecture, qui permet de, normalement, de cerner une œuvre sous tous ses aspects. Car l'art n'est pas distinct du monde. Pardon pour cette banalité, mais je me permets de la rappeler parce qu'on a souvent une vision idéaliste de l'artiste génial qui sort de nulle part et qui fait tomber sur terre une nouvelle forme d'expression que personne n'avait encore anticipée. Bon bah tout ça, c'est pas vrai. Du moins, c'est trop facile. La production artistique est un artisanat laborieux qui est, comme il le dit, ancré dans un temps et un espace qui permet, ou non, sa compréhension et sa diffusion. Et puisque l'on parle d'Onfray, justement, il posait la question lors d'une de ses conférences, « Daft Punk, c'est de la musique, ça, Daft Punk ?» Oui, bro, si on veut. Ce qui est la pire chose à faire et à dire. Déjà parce que c'est pas très gentil, mais plus sérieusement parce que c'est très méprisant, et que cela montre sa propre incapacité à se détacher deux minutes de ses jugements élitistes pour comprendre pourquoi les musiques synthétiques, qu'on les aime ou pas, hein, ont une raison d'être dans la musique moderne. Faire des morceaux répétitifs à l'aide d'outils numériques et d'instruments analogiques a un sens dans l'espace et le temps où ils sont produits. Et j'aime pas particulièrement Daft Punk, hein, je les défends pas pour le plaisir. Simplement, c'est tomber dans le travers qu'ils dénoncent que de refuser un courant artistique en ne prenant pas le temps de tenter de comprendre son langage, comme ils le préconisaient juste avant. Bref, continuons. Comment devient-on amateur artiste ? En se donnant les moyens d'acquérir le décodeur. C'est-à-dire, en construisant son jugement. La construction d'un jugement suppose du temps, de l'investissement et de la patience. Qui pourrait affirmer bien pratiquer une langue étrangère en lui consacrant un temps et un investissement ridicule ? Qui peut croire maîtriser un instrument de musique sans avoir sacrifié des heures et des heures de pratique afin de parcourir la distance qui sépare le balbutiement de la maîtrise ? Il en va de même avec la fabrication d'un goût. Peu importe l'objet de ce goût, un vin, une architecture, un poème, on ne parvient à l'apprécier qu'en ayant accepté d'apprendre à juger. Apprendre à juger. Là est l'expression. Car avant d'aimer, au hasard, le reggae, on n'aime pas le reggae. Il faut avoir été soumis au reggae et avoir bien voulu le laisser entrer avant de pouvoir l'apprécier. Même si la plupart du temps, l'apprentissage s'est surtout fait à base de fumer des grosses douilles, hein, mais c'est le sujet de l'épisode précédent, donc nous n'y reviendrons pas. Et comme nous parlons jugement de goût, le parallèle avec la cuisine saute aux yeux. Enfin, en l'occurrence, aux oreilles. Si vous écoutez ce podcast avec vos yeux, je peux plus rien pour vous. Hein. Goût en cuisine, donc. On sait tous que les enfants n'aiment rien quand c'est question de nourriture. Nous étions pareils. Hein. Les sucreries, ça passe toujours, les épinards, c'est bof. Mais, si vous élevez un enfant en favorisant la diversité, en mangeant vous-même de tout, en expliquant pourquoi il n'aime peut-être pas la première fois, mais pourra regoûter plus tard, etc., bah, il s'ouvrira davantage. Peut-être pas tout de suite, hein, car il est plus facile d'apprécier le sucré que l'amer. L'amertume demande plus d'efforts pour être appréciée. Mais il aura gagné un peu plus d'ouverture que si vous ne lui donnez que ce qui est immédiatement appréciable. Même en tant qu'adulte, hein, on continue de juger, de changer. Il faut former notre palais, comme nous formons notre oreille, à la diversité, des mets qu'il sera capable d'accueillir, de reconnaître, et, in fine, possible d'aimer. Onfray illustre ce sujet avec un paragraphe du philosophe David Hume un peu plus loin. Notre jugement se fortifiera par cet exercice. Nous acquérons de plus justes notions de la vie. Bien des choses qui procurent du plaisir ou de l'affliction à d'autres personnes nous paraîtront trop frivoles pour engager notre attention, et nous perdrons par degrés cette sensibilité et cette délicatesse de la passion qui nous est si incommode. Et c'est là que nous entrons dans le stade de l'élitisme, hein. Car ce que dit Hume sans le dire, c'est que la simplicité des attraits, c'est bon pour les gens du commun, et que la compréhension cultivée, c'est ce qui mène à la vraie appréciation. Je dis halte, car cela cause toujours plus de problèmes que cela n'en résout. Étant passionné de musique, je me suis pris le bec plus d'une fois à une époque où mon attitude juvénile me rendait bouffi de certitude. Généralement à cause d'une petite phrase toute bête que nous avons tous dit, et qui semble heurter tant de gens, c'est de la merde. Tel groupe, tel artiste, tel genre, c'est de la merde. Immédiatement, j'avais une levée de bouclier hein, de la part des défenseurs qui me répondaient en chœur, on ne dit pas c'est de la merde, on dit j'aime pas. Ce à quoi je m'empressais de répondre, j'aime pas parce que c'est de la merde. Voilà, beaucoup de condescendance et de provocation, je l'avoue, je suis une saloperie. Point biographique terminé, mais il a du sens hein, dans le discours. Je me trouvais, à cette époque-là, dans une disposition très belliqueuse que je ne vous encourage pas à suivre, hein. Consommer la provocation avec modération. Le fait est que j'avais commencé le travail qu'Onfray décrit ici, celui de connaître l'artiste, de comprendre son langage, de le situer dans son époque, etc. Mais là où je faisais une erreur, c'est que cela me conduisait à un snobisme méprisable. Les amateurs de jazz ou de metal peuvent très facilement sombrer dans une critique facile des musiques qu'ils désigneront comme simpliste ou commerciale. Mais rassurez-vous, c'est pas l'apprentissage qui mène à ça. Hein. C'est la personne qui était déjà snob et qui ne fera que calquer ses préjugés sur un sujet qui n'en demandait pas tant. Avec de bonnes intentions, l'apprentissage n'est qu'une ouverture. Elle permet d'apprécier non plus la simplicité, mais aussi la plus extrême complexité. Cela dit, la formation du jugement mène également à une autre critique, le fait d'en savoir trop, qui nous priverait d'une approche instinctive, qui serait apparemment nécessaire à l'appréciation d'une œuvre. Moi, je sais pas d'où ça sort, mais je l'ai souvent entendu. Hein. Encore une fois, procès d'intention. Nous préjugeons que l'autre, devenu technicien, ne serait plus capable d'apprécier une forme d'art car elle aurait perdu quelque chose. J'arrive pas à déterminer quoi, hein. Un supplément d'âme, une candeur d'enfant, de la niaiserie, je sais pas. Or, ce n'est pas le cas. On n'a rien perdu, on n'a fait que gagner. Savoir comment marche son moteur ne rend pas notre voiture moins performante. S'ouvrir à l'apprentissage et à la compréhension d'une forme d'art ne limite pas l'appréciation. Bien au contraire, elle permet d'avoir une vue encore plus large de la manière dont elle est faite. C'est ce qu'illustre l'anecdote de Richard Feynman, le célèbre physicien, qui cheminait avec un ami artiste et qui, passant à côté d'une fleur, lui dit « Toi, tu n'es plus capable d'apprécier la beauté de la nature, tu as un regard trop technique. » Ce à quoi Feynman lui répondait que si, il pouvait admirer cette fleur. Il l'admirait pour sa beauté, mais en plus, pour sa manière de s'épanouir, pour sa survie aux conditions météorologiques, pour ses proportions parfaites, etc. Il l'appréciait toujours en tant que fleur, mais également en sachant à quel point elle était complexe. Eh bien, le jugement de goût en cuisine ou en musique, c'est pareil. Vous pouvez être capable de disséquer votre sujet, de lire une partition, de comprendre les touches sur la toile, ou de goûter toutes les subtilités d'un rhum, cela ne vous ôtera jamais le plaisir de les apprécier simplement. Tout ceci contribue à la formation de votre sensibilité, de votre sensualité, puis de votre intelligence, enfin, de votre jugement. Puis, un jour qui ne prévient pas, son exercice se produira facilement, simplement. Vous découvrirez alors un plaisir ignoré par la plupart, en tout cas par ceux qui se contentent, devant une œuvre d'art, de reproduire les lieux communs de leur époque, de leur fréquentation ou de leur milieu. Ah, ça c'est du Onfray dans le texte, hein. Une leçon très pertinente, tout de suite sabordée par un mépris tout nul et très bourgeois, à l'égard de ceux qui se contentent. Hein. Y a toujours des « ceux qui » chez Michel Onfray, hein. Ceux qui savent pas, ceux qui disent mal, les cons quoi, ceux qui pensent pas comme lui. Enfin bref, je terminerai là-dessus, car l'opposition entre pop et élite est une bêtise sans nom. Car ce snobisme, et celui d'Onfray compris, hein, conduit à beaucoup de maux, car il tend à faire fuir les impétrants. Ceux qui n'ont pas la connaissance et qui généralement ne demandent rien de mieux que s'y intéresser, mais qui se heurtent à un « retourne à tes passions de prolo, ignare, ici on aime la vraie musique », c'est totalement contre-productif. Et si j'avais lu ce chapitre à 15 ans, nul doute que j'aurais jeté le bouquin avec l'eau du bébé. Hein. C'est d'une condescendance très mal à propos, alors même que je soutiens le message initial, qui est « apprenez, découvrez, comprenez ». Au final, cela crée des genres et des courants artistiques entiers qui sont captés par les amateurs afin de se distinguer. Et donc de rejeter les autres, qui en viendront à se dire que bah, ce n'est pas pour eux. Pour prendre un exemple, j'ai eu l'occasion de découvrir une compilation qui se nommait « Je n'aime pas le jazz, mais ça j'aime bien ». Non, non, vous rêvez pas, hein. Y a vraiment une compilation qui s'appelle « Je n'aime pas le jazz, mais ça j'aime bien ». Mais merde, sur les 40 morceaux de cette compile, y a que des morceaux de jazz. Donc tu aimes le jazz. Ce que tu n'aimes pas, c'est peut-être le free jazz, c'est peut-être les amateurs de jazz, c'est tout un tas de trucs qui n'ont rien à voir avec le fait d'aimer le jazz ou pas. Mais quand certains ont capté le jazz, ont capturé même le jazz, pour en faire un truc intello, donc élitiste, et donc bah, plus pop du tout, bah on se retrouve avec des compilations avec des titres aussi débiles. Fallait le faire, hein. Mais pour revenir à cette histoire de captation, et comme nous l'avons déjà vu ailleurs, le fait d'appartenir à un groupe est également important. Cela crée un cercle d'initiés qui partagent un intérêt commun. Le fait de se souder en groupe crée de facto une exclusion de tous les autres. Et il est important pour des élites ou des marginaux, qui en fait là sont les mêmes hein, dans notre sujet, de constituer des bulles, des réseaux de gens qui apprécient les mêmes choses, afin de ne pas être souillés par la culture populaire. Conclusion. La formation du jugement a tout à voir avec les étapes alchimiques de l'initiation. Plus je progresse, plus j'augmente ma sapience. Plus je suis capable de comprendre la manière dont marche le monde, et donc, dans notre sujet, plus je suis capable d'apprécier diverses œuvres d'art. Par la confrontation, je reçois l'œuvre dans ce qui me séduit ou me repousse. Par la compréhension, je la situe dans un espace et un temps, et je peux expliquer ses conditions de production. Et par l'appréhension, je suis capable de la décoder, de la disséquer et de la reproduire. Il n'est pas d'art mineur, hein, car il n'y a que des destinations. Selon ce que le créateur a voulu produire, il ne nous reste que la moitié du chemin à parcourir, celui de l'interprétation, et à muscler son palais, son oreille ou son œil, afin de s'ouvrir, non à une plus haute qualité, mais à toute la diversité de ce qu'offrent les perceptions. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez une paire. C'était le 12e épisode du Space Mountain consacré à l'art dans l'anti-manuel de philosophie de Michel Onfray. Merci aux deux mineurs. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à aller écouter les autres pour apprendre, pour comprendre, pour apprécier. Et surtout, n'oubliez pas que votre artiste préféré, c'est de la même. Je vous retrouve très vite.